La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Pouciel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 8. On publie l'édit de l'empereur Auguste César, qui ordonnait le dénombrement de tous les sujets de son empire, et ce que fit Saint Joseph quand il en eut connaissance. Il était déterminé par la volonté immuable du Très-Haut que le Fils unique du Père naquît en la ville de Bethléem, et en vertu de ce divin décret, les anciens prophètes l'annoncèrent longtemps avant qu'il arrivât. Michée 5, 2, livre de Jérémie, 30, 9, livre d'Ézéchiel, 34, 22. Parce que la détermination de la volonté absolue du Seigneur est toujours infaillible, et que le ciel et la terre passeront avant qu'elle cesse de s'accomplir. Évangile selon Matthieu, 24, 88. Puisque personne ne lui peut résister. Livre d'Esther, 13, 9. Le Seigneur prépara l'exécution de ce décret immuable au moyen d'un édit que l'empereur Auguste César fit publier dans l'Empire, et par lequel, comme le raconte Saint Luc, il ordonnait le dénombrement des habitants de toute la terre. Luc 2, 1. Cet empire s'étendait alors sur la plus grande partie du monde connu des Romains, et c'est pourquoi il s'appelait les maîtres de l'univers, ne faisant pas grand cas du reste. Ce dénombrement consistait à faire déclarer sujet de l'empereur tous ceux qui s'y trouvaient, et à lui payer en même temps un certain tribut, comme au maître naturel en ce qui regarde les choses temporelles, et pour faire cette reconnaissance, chacun allait se faire inscrire sur le registre commun de sa propre ville. Ibidem, 8. Cet édit arriva à Nazareth et à la connaissance de Saint Joseph. Il retourna chez lui tout affligé, car il était dehors lorsqu'il en ouït parler, et il raconta à sa divine épouse cette nouveauté. Mais la très prudente Vierge lui répondit, « Il ne faut pas, cher époux, que l'édit de l'empereur de la terre vous mette dans cette peine. » Puisque c'est le Maître et le Roi du ciel et de l'univers qui règle tous les événements de notre vie. Sa providence nous assistera et nous guidera dans toutes sortes d'occasions. Abandonnons-nous avec confiance à sa conduite, nos espérances ne seront point trompées. Ecclésiaste 2. La Sainte Vierge était versée dans tous les mystères de son Très-Saint-Fils. Elle savait de quelle manière les prophéties s'accompliraient, et que le Fils unique du Père et le sien devait naître à Bethléem, comme pauvre et étranger. Mais elle n'en déclara rien à Saint Joseph, parce que sans un ordre du Seigneur elle ne voulait pas découvrir son secret. Tout ce qu'il ne lui était pas commandé de dire, elle le taisait avec une discrétion admirable. Nonobstant son désir de consoler son très fidèle époux Joseph, s'abandonnant sans réserve à la divine conduite, et ne voulant point être prudente à ses propres yeux, contrairement au conseil du sage. Proverbe 3, 7. Ensuite ils conférèrent sur ce qu'ils devaient faire, parce que la grossesse de notre divine dame étant fort avancée, le moment de sa délivrance approchait, sur quoi Saint Joseph lui dit, « Reine du ciel et de la terre, il me semble que je ne saurais me dispenser, supposez que le Très-Haut ne vous ait pas ordonné quelque autre chose, d'aller exécuter cet édit de l'empereur. Et quoi qu'il suffise d'y aller seul, la prescription ne regardant que les chefs de famille, je n'oserais pas vous quitter ni m'éloigner de votre service. Je ne saurais d'ailleurs vivre sans votre présence. Si je vous laisse, je n'aurai pas un moment de repos, et mon cœur sera dans de continuelles alarmes. Je vois que vos divines couches sont fort proches, et que je hasarderais trop de vous engager à venir avec moi en notre ville de Bethléem, où nous devons accomplir les ordres de l'empereur. Ainsi je crains, tant pour cette raison qu'à cause de ma grande pauvreté, de vous mettre dans un danger si évident. Si vos couches arrivaient dans le voyage sans que j'eusse le moyen de subvenir à vos besoins, ce serait pour moi un sujet d'une affliction mortelle. Ces pensées me désolent. Je vous supplie, illustre dame, de les exposer au Très-Haut, et de le prier d'ouïr mes désirs, qui consistent à ne point me séparer de votre compagnie. La très humble épouse obéit à ce que Saint Joseph ordonnait, et, quoiqu'elle n'ignorât pas la volonté divine, elle voulut pourtant profiter de cette occasion pour témoigner son obéissance et sa soumission. Elle présenta au Seigneur la volonté et les désirs de son très fidèle époux. Et sa divine majesté lui répondit « Ma bien-aimée et ma colombe, obéissez à mon serviteur Joseph en ce qu'il vous a proposé et qu'il désire. Accompagnez-le dans le voyage. Je serai avec vous, je vous assisterai et vous protégerai avec un paternel amour dans les fatigues et dans les tribulations que vous endurerez pour moi. Et, quelque grande qu'elle doive être, la puissance de mon bras vous en fera sortir glorieusement. Vos pas seront beaux et agréables à mes yeux. » Cantique des Cantiques, 7:1. Ne craignez pas, ma bien-aimée, et marchez, car telle est ma volonté. Ensuite le Seigneur fit, en présence de la Divine Mère, un nouveau commandement aux anges de sa garde de la servir dans ce voyage avec un soin particulier, selon les solennels et mystérieux événements qui l'attendaient. Outre les 1000 anges qui la gardaient ordinairement, le Seigneur ordonna à 9000 autres d'assister leur reine, de sorte que tous les 10000 ensemble furent chargés de l'accompagner dès le jour qu'elle se mettrait en chemin. Ils obéirent tous, comme de très fidèles ministres du Seigneur, et ils la servirent comme je le dirai dans la suite. Notre grande reine fut renouvelée et élevée par une lumière divine à la connaissance de nouveaux mystères, touchant les maux qu'elle endurait après la naissance de l'enfant Dieu par la persécution d'Hérode. Évangile selon Matthieu, 2:16, et plusieurs autres tribulations qui arriveraient. Prête à tout, elle tint son cœur invincible dans la paix du Seigneur, et lui rendit 1000 actions de grâce pour tout ce qu'il opérait et disposait en elle. Livre des Psaumes, 2. La princesse du ciel fit part de cette réponse à Saint Joseph, et lui déclara que c'était la volonté du Très-Haut qu'elle lui obéit et l'accompagna dans son voyage de Bethléem. Le saint époux en fut rempli d'une nouvelle joie, et, pour reconnaître cette grande faveur que la main libérale du Seigneur lui faisait, il lui en témoigna son humble gratitude. Et s'adressant ensuite à sa divine épouse, il lui dit « Chère dame, qui est la cause de ma joie et de ma félicité, je ne m'afflige plus, dans ce voyage, qu'à la pensée des peines que vous y souffrirez. N'ayant pas assez de ressources pour vous en délivrer ni pour vous mener avec la commodité que je souhaiterais. Mais nous trouverons des amis et des parents à Bethléem. J'espère qu'ils nous recevront avec charité, et que vous pourrez vous reposer chez eux de la fatigue de la route, s'il plaît au Très-Haut, comme votre serviteur le désire. » Il est vrai que l'affection du saint époux lui inspirait ces suppositions, mais il ignorait alors ce que le Seigneur avait décidé, et parce qu'il fut trompé dans son attente, il en conçut ensuite une douleur d'autant plus amère, comme on le verra en son lieu. La très pure Marie ne déclara pas à Joseph ce qu'elle prévoyait en Dieu touchant le mystère de son divin accouchement. Quoiqu'elle sût que la chose ne se passerait point comme il se le promettait, elle lui dit, Au contraire, pour l'encourager. Mon époux et mon maître, je suis bien heureuse de voyager en votre compagnie. Nous marcherons comme les pauvres gens, au nom du Très-Haut, car sa divine majesté ne méprise point cette même pauvreté qu'elle vient chercher avec tant d'amour. Et, assurés de sa protection dans nos nécessités et dans nos embarras, mettons en elle notre confiance. Livre des Psaumes 17, 31. Il n'est point une seule de vos inquiétudes, cher époux, que vous ne deviez rejeter sur la Providence. Ibidem, 54, 23. Ils arrêtèrent ensuite le jour de leur départ, et le Saint-Époux s'empressa d'aller chercher par Nazareth quelques montures pour porter la maîtresse du monde. Il lui fut très difficile d'en trouver une, à cause du grand nombre de personnes qui se rendaient en de différentes villes pour y faire enregistrer leur nom, conformément à l'édit de l'empereur. Mais, à force de démarches et de peines, il finit par trouver un petit âne, heureux, pourrions-nous dire, entre tous les animaux irraisonnables, puisque non seulement il porta la reine de l'univers, et avec elle le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais même qu'il assista à la naissance de l'enfant, et rendit à son Créateur le service que les hommes lui refusèrent. Livre d'Ésaïe, 1, 3, comme je le dirai plus loin. Ils préparèrent le nécessaire pour le voyage, auquel ils employèrent 5 jours, et la provision des divins voyageurs était à peu près la même que celle dont ils se munirent lorsqu'ils allèrent chez Zacharie. Comme je l'ai dit plus haut au livre 3e, chapitre 15, car ils n'emportaient que du pain, des fruits et quelques poissons, dont ils faisaient leur plus ordinaire nourriture. Et comme la très prudente Vierge savait qu'elle demeurerait longtemps hors de sa maison, elle ne se contenta point de prendre les langes et les autres effets qu'elle avait disposés pour ses divines couches, mais elle régla secrètement les choses de manière qu'elles tendissent toutes à l'accomplissement des fins du Seigneur et des événements qu'elle attendait. Puis ils chargèrent une personne de soigner leur maison jusqu'à leur retour. L'heure de leur départ arriva, et comme le très heureux Joseph commençait de traiter avec un nouveau respect sa divine épouse, il recherchait, comme un serviteur vigilant et fidèle, les occasions de la servir et de lui plaire. Dans ses empressements, il la pria avec les plus vives instances de l'avertir de tout ce qu'elle désirait, et qu'il pourrait lui-même ne pas deviner, pour sa satisfaction, pour son soulagement et pour le bon plaisir du Seigneur qu'elle portait dans son sein virginal. Notre très humble reine agréa les saintes affections de son époux, et, les rapportant à la gloire et au service de son très saint fils, elle le consola et l'exhorta à ne point se préoccuper des fatigues de la route, en l'assurant de nouveau que sa divine majesté regardait tous ses soins avec complaisance, et qu'elle voulait qu'ils acceptassent avec un cœur égal et joyeux les incommodités auxquelles leur pauvreté les exposerait dans le voyage. Avant que de le commencer, la princesse du ciel se mit à genoux, et pria Saint Joseph de lui donner sa bénédiction. Et quoique l'homme de bien, considérant la dignité de son épouse, voulut à tout prix s'en excuser. Néanmoins l'humilité toujours incomparable de l'auguste Marie vainquit ses résistances et l'obligea de la lui donner. Saint Joseph le fit avec beaucoup de crainte et de vénération, ensuite il se prosterna lui-même baigné de larmes, et la conjura de l'offrir de nouveau à son très saint fils, et de lui obtenir le pardon de ses fautes et sa divine grâce. Après cette sainte préparation, ils partirent pour Bethléem au plus fort de l'hiver, ce qui rendait le voyage plus pénible et plus incommode. Mais la mère de la vie qu'il apportait dans son sein n'était attentif qu'à ses divins effets et qu'à ses intimes colloques avec son fils. Elle ne cessait de le contempler dans ce saint tabernacle, l'imitant en ses œuvres, lui rendant plus de gloire et lui étant plus agréable que tout le reste des créatures ensemble. Instruction que la très sainte Vierge me donna. Ma fille, vous découvrirez dans tout le cours de ma vie, et dans chacun des chapitres et des mystères que vous avez écrits et que vous devez écrire, la divine et admirable providence du Très-Haut et son amour paternel envers moi, sa très humble servante. Et quoique l'entendement humain ne soit ici digne de pénétrer ni capable d'apprécier ces merveilles, qui partent d'une si haute sagesse, il doit néanmoins faire tous ses efforts pour les révérer et se disposer à suivre mon exemple, et à participer aux faveurs que m'accorda le Seigneur. Car les mortels ne doivent pas s'imaginer que Dieu n'ait voulu se montrer saint, puissant et infiniment bon, qu'en moi et pour moi. Il est certain que, si toutes les âmes s'abandonnaient entièrement à sa disposition et à sa conduite, elle connaîtrait bientôt par expérience cette fidélité, cette ponctualité et cette très douce efficace avec lesquelles sa divine majesté disposait à mon égard toutes les choses qui regardaient sa gloire et son service. Elles éprouveraient aussi ces délicieux effets et ces mouvements divins que je sentais par la soumission que j'avais à sa très sainte volonté. Enfin, toute proportion gardée, elle ne recevrait pas avec moins d'abondance ses dons, qui sont pour ainsi dire retenus dans sa divinité, comme dans un océan infini. Et comme, si l'on ouvrait à la masse des eaux de la mer une issue par laquelle elles pourraient suivre leur libre cours, elles s'échapperaient avec une impétuosité invincible. De même la grâce et les bienfaits du Seigneur se répandraient sur les créatures raisonnables, si, loin de l'empêcher, elles en facilitaient l'écoulement. Les mortels ignorent cette science, parce qu'ils ne prennent pas le temps de penser et de réfléchir aux œuvres du Très-Haut. Je veux, ma fille, que vous les étudiez et les graviez dans votre cœur, et je veux aussi que vous appreniez de ce que je faisais à garder le secret de votre intérieur, et à pratiquer une prompte obéissance et une humble soumission envers tous, préférant toujours le sentiment d'autrui au vôtre. De sorte que lorsque vos supérieurs et vos pères spirituels vous commanderont quelque chose, vous leur devez obéir aveuglément, quand même vous sauriez que le contraire de ce qu'ils prévoient va arriver. Comme je savais moi que dans le voyage de Bethléem ne se réaliserait pas ce qu'espérait mon saint époux Joseph. Et si c'est un inférieur ou un égal qui vous commande, exécutez sans réplique tout ce qui ne sera point péché ou imperfection. Écoutez tout le monde en silence et avec attention, afin de vous instruire. Vous serez fort circonspect dans vos paroles, car c'est en cela que consiste la prudence. Je vous avertis aussi de nouveau de demander la bénédiction du Seigneur en tout ce que vous ferez, afin que vous ne vous écartiez point de son bon plaisir. Et s'il vous est possible, demandez-la également à votre Père spirituel. Par cette conduite, vous ne perdrez pas le grand mérite et la perfection de vos différentes œuvres, et vous me donnerez la satisfaction que je désire de vous. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.